les paroles pleines de charme bouillant dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi, que ma lame soit comme la plume d'un atout.